On se souviendra de cette année. Un pays de plus à pleurer. La guerre d'Espagne est accouchée d'une fille aux seins étoilés. Et combien de morts, combien de nuits ainsi vont rouler sur nous, vont saigner sans fin. Tous ces généraux qui cassent un pays auront-ils un jour honte de leurs mains? Oh, que douleur est la vie! Chaque instant que crève l'espoir, il ne peut être fini. Ce beau chemin qui va quelque part, le sang séchera au nouvel an. Un peuple qui pleure ses courants, on dose si bien ses sentiments qu'on oublie la mort des enfants. Tous ces généraux aux cervelles d'acier ont jeté sur nous des linges rougis. Ils s'en sont allés jusqu'à l'assassiner cette libre terre où naissait la vie. Chile, Chile, ¿dónde estás? ¿Quién te mató, libertad? ¿Quién llorará más allá? Hasta que lleguen otras horas. N'oubliez pas le Chili qui saigne dans le lointain. Le Brésil, l'Argentine aussi. L'Espagne hier et nous peut-être demain. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Chile, Chile. Le monde rit et pleure. Et donc, on va continuer notre rubrique internationale, si on peut l'appeler comme ça. On va vous parler de ce qui se passe au Chili. Donc, vous avez peut-être, pareil, entendu parler ou vu les images des affrontements assez intenses, pour le moins, au Chili. Et du coup, bon, je ne vais pas redétailler comment est né ce mouvement, la situation, etc. Dommage, peut-être. Je vous invite à vous renseigner par vous-même, du coup. Mais par contre, je vais vous lire, donc, pareil, un appel qui a été publié sur nantes.indymedia.org qui s'appelle « Chili pour la propagation totale du chaos » parce que c'est un appel, du coup, de camarades, en fait, anarchistes et chiliens, chiliennes, qui du coup font en fait, font cet appel à l'international, quoi, pour expliquer ce qui se passe chez eux, elles, et pour aussi appeler à la solidarité. Du coup, on va lire ça à plusieurs voix. On va lire cet article que vous pouvez retrouver sur nantes.indymedia.org. Donc c'est un appel à la solidarité anarchiste internationale avec l'insurrection, révolte et action directe contre la nouvelle offensive de l'État militaire assassin du Chili. Vendredi 18 octobre, nous avons été témoins et partie prenante de la façon dont, par l'action directe et le sabotage des diverses normes du capitalisme moderne, les canons de la normalité ont été dépassés par l'action insurrectionnelle. Une normalité imposée depuis des siècles dans ce territoire et consolidée par une dictature civile et militaire qui a mis en œuvre le modèle néolibéral particulièrement brutal. La révolte s'est étendue dans toute la région de la capitale avec des actions de sabotage des stations de métro, par exemple de Santiago, du sabotage du bâtiment de l'ENL, qui est donc c'est une multinationale italienne qui du coup gère l'électricité là-bas. Et du réseau des bus, aussi des chaînes de banques, des chaînes de cafétéria et de fast-food, des concessionnaires automobiles, supermarchés et pharmacies. En bref, tous les symboles du capital ont été attaqués. Des milliers de groupes et d'individus sans chef ni dirigeant ont pris la ville lors d'une bataille acharnée contre les éternels protecteurs de la propriété privée et de la paix sociale des puissantes. Leur ras-le-bol et leur mécontentement ont contribué à la longue journée de protestation et de rébellion qui s'est terminée avec le président de droite, le fasciste Sebastián Piñera, déclarant un état d'urgence et mettant à la tête de ses soldats assassins l'ignoble général Javier Iturriaga. Le cours des jours suivants n'a pas été différent. Les actions de sabotage ont continué, accompagnées d'expropriations de masse dans de grands centres commerciaux, de l'attaque de bâtiments gouvernementaux, ainsi que d'affrontements incessants contre la police. Il s'agit de prétextes parfaitement utilisables pour imposer un couvre-feu sur presque tout le territoire et donner ainsi toute liberté et légitimité aux actions de la police et des forces militaires qui ont tué et torturé au nom du pouvoir. Nous reconnaissons que ce qui se passe en ce moment est surprenant et imprévisible, mais nous savons aussi que cela vient d'un chemin de résistance et de lutte subversive contre l'ordre dominant, et qu'il a évolué et a acquis un caractère différent au fil des ans. Dans son long chemin, les idées et pratiques anarchistes de ces dernières décennies ont constitué un élément important dans la confrontation multiforme contre le pouvoir. Nous savons que les actions incessantes de sabotage et les attaques contre les structures de ce système dévastateur et meurtrier ont contribué à l'identification des objectifs et des symboles du capital lors des actions directes qui se sont déroulées dans les rues. Les affrontements avec les forces de l'ordre font partie de la vie quotidienne depuis une vingtaine d'années. D'une part, dans la lutte de rue, lorsqu'à un moment donné, un groupe d'individus érige des barricades et va à la recherche de la confrontation avec les forces de police, ce qui se passait de façon récurrente il y a plusieurs années devant les universités, tandis que ces dernières années, ce sont les lycéens de banlieue qui en sont les protagonistes. D'autre part, les attaques plus planifiées et l'envoi d'engins explosifs aux représentants de la loi et celles qui l'appliquent pour préserver l'ordre bourgeois ont entraîné une augmentation des attaques dirigées contre les éternels ennemis et persécutrices de la liberté. L'action autonome et anti-autoritaire devient implacable. Face à la nouvelle vague de répression étatique qui cherche à identifier les chefs, entre guillemets, responsables de toutes ces actions, qu'ils pensent planifier de façon centralisée, tandis qu'elles ne sont qu'une conséquence de la prolifération du chaos déclenché par la récupération du sens de nos vies. La criminalisation des actes de violence est une tactique que le pouvoir a toujours utilisée pour tenter d'étouffer la rage et d'éliminer sa dangerosité. Ces derniers jours, nous avons assisté à une augmentation des tentatives étatiques pour dissuader et isoler celles et ceux qui osent et agissent en violation de l'ordre actuel. Cela à travers des déclarations répétées venant de différentes autorités et le soutien quotidien et constant des moyens de communication bourgeois hégémoniques dans l'intention de contrôler les rebelles et de ramener le calme en octroyant des clopinettes. Tout au long de cette semaine, les différentes autorités gouvernementales, de l'ignoble ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Andrés Chadwick Pinera, cousin germain du président, le sous-secrétaire de l'Intérieur, Gabriel Ubila McKinney, et d'autres autorités gouvernementales et militaires ont dénoncé et accusé les différents acteurs du milieu anarchiste et plusieurs actions directes qui ont eu lieu depuis que le mécontentement subversif s'est propagé dans les rues. Nous connaissons la persécution politique qu'il y a toujours eu contre ceux et celles qui prennent position contre tout type d'autorité, et nous connaissons les conséquences de nos idées et de nos pratiques. Cela ne nous paraît pas un hasard que le procureur régional de Santiago, Hector Barros, déjà en charge de l'enquête sur l'envoi de colis explosifs au 54e commissariat des Carabineros dans la commune de Huichuraba, et contre Rodrigo Hinspeta, ancien ministre de l'Intérieur, dans son bureau de l'entreprise Kineso à Las Condes, dirige également une enquête sur les incendies dans le métro de San Diego. Tout cela dans l'intention de les attribuer à une organisation dirigée par des groupes et des individus anarchistes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous restons fermes et inflexibles face au pouvoir, assumant les conséquences de notre position et toujours contre toute forme d'autorité, en propageant le chaos et l'appel à la guerre sociale. Un appel à faire en sorte que l'agitation et l'action directe débordent la scène des médias et les fausses frontières imposées par l'État et le capital. Un appel à une solidarité active, complice et multiforme avec l'insurrection en cours dans le territoire qu'ils appellent le Chili. Guerre sociale, antisociale, contre l'État et le capital, contre toute autorité et pour la libération totale, faisons en sorte que vive l'anarchie. Voilà, du coup, ça c'était l'appel des anarchistes chiliens, chiliennes, pour la propagation totale du chaos. Et il y a une très belle image aussi avec. Por la propagación total del caos, revuelta y acción directa frente al Estado asesino y militar, llamando a la solidaridad anarquista internacional con la insurrección en Chile. Et donc, ils appellent effectivement à la solidarité anarchiste internationale avec l'insurrection au Chili. Et du coup, c'est pas un hasard, voilà, si on vous lit ça, c'est aussi pour relayer cet appel. Et donc, un appel à la solidarité, c'est... Enfin, voilà, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire que l'idée, c'est où que vous soyez, quelle que soit votre situation, si vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, afficher votre soutien à cette insurrection au Chili, ben, ce sera vraiment bienvenu. Et si on pouvait, nous aussi, mettre la pression... Hein, par exemple aux entreprises qui œuvrent là-bas ou quoi que ce soit, ou juste relayer l'information de ce qui se passe là-bas, et ben c'est important parce que la solidarité, c'est ce qui aussi fait vivre nos luttes et leur permettre de s'étendre. Donc voilà un appel des Chiliens, Chiliennes qui ont grave la classe quand même, on peut le dire. Et du coup, pour compléter, alors déjà il y avait un petit complément très bref aussi trouvé sur Indymedia qui explique le nombre de blessés et d'éborgnés. Donc, je le lis très rapidement. Donc, selon un organisme public indépendant, ce sont 197 personnes qui ont subi des blessures oculaires depuis le début de la contestation. Donc le début de la contestation, c'était le 18 octobre. Hein, donc voilà, au Chili, ça va vite. Hein. Principalement, donc, ces blessures oculaires, elles ont été causées par des tirs de chevrotines de caoutchouc. C'est des espèces de fusils à pompe, sauf que c'est des balles de caoutchouc. Mais c'est pas vraiment comme les LBD, parce que je crois que les balles, elles sont plus petites. Et donc parmi elles, parmi les personnes qui du coup ont été blessées, les 197 personnes blessées au niveau des yeux, 35 risquent de perdre totalement la vue. Au moins 20 personnes sont mortes depuis le début de la crise chilienne et plus de 2000 ont été blessées selon les chiffres officiels. Du coup, on imagine que c'est sûrement un peu plus. À cela s'ajoutent d'autres traumatismes comme les agressions sexuelles contre les manifestantes arrêtées. 93 plaintes ont été déposées, dont 23 pour des agressions sexuelles commises par les policiers sur des mineurs. Voilà, bon, ça laisse entrevoir l'ambiance au niveau répression là-bas. Donc force et courage à LE. Et du coup, pour finir de compléter, tout simplement, ce que disent un peu plus les médias, on va dire officiels, donc là, on reprend RFI. Et donc, où ça en est? C'est-à-dire que du coup, pour l'instant, ça s'est un peu calmé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un référendum qui va être organisé pour avril. Et du coup, ce référendum, c'est pas juste un référendum, c'est quand même un référendum qui vise à réécrire la constitution du Chili, quoi. Donc, ils ont réussi, après 28 jours, du coup, peut-être je vais lire des bouts, c'est marqué 28 jours après le début de la crise sociale qui secoue notre pays, les parlementaires du gouvernement et de l'opposition se sont mis d'accord pour un calendrier, initiant ainsi un processus historique qui porte bien son nom pour la paix et la nouvelle constitution. Donc en avril prochain, les Chiliens chiliennes seront appelés aux urnes lors d'un référendum, et du coup on va leur poser deux questions. La première, du coup, est-ce qu'il faut réviser ou non la constitution, qui quand même est une constitution qui date de l'époque de la dictature de Pinochet, donc il était grand temps en fait que cette insurrection obtienne ça, quoi, parce que la constitution, elle date de la dictature, quoi, donc c'était temps de la changer. Et du coup la deuxième question, ce sera, c'est qui doit réécrire la constitution en gros? Est-ce que ça doit être une assemblée constituante élue, ou ça doit être les gens du parti politique, enfin bref, après ça c'est des détails. Mais c'est quand même assez fou d'avoir obtenu ça d'un gouvernement, après, avec tous les pièges que ça peut, causer, la réécriture d'une constituante, la remise en place finalement d'un gouvernement, quoi. Donc là, je pense que les camarades anarchistes doivent être un peu vénères et doivent avoir très envie de continuer justement la lutte encore plus jusqu'au bout pour éviter que soit remise en place un nouveau gouvernement, quoi. J'imagine. Oui, pour rappel, c'est un petit peu ce qui s'est passé en Tunisie, notamment après les révolutions arabes, quoi. Enfin, il y a eu donc Ben Ali qui a été viré et une réécriture de la constitution. Okay. Avec, bon, on voit que ça, c'est loin d'avoir tout réglé depuis, quoi. Oui, mais il me semblait que, enfin, j'avais pas trop suivi que la constitution avait été réécrite. Je sais qu'il y avait des nouvelles élections et tout ça, mais si, ouais. D'accord. Oui, voilà, c'est ça, c'est que la constitution soit réécrite, ça paraît chouette comme idée. Enfin, en tout cas, ça permet un vrai changement un peu plus profond a priori. Sauf que c'est a priori, c'est pas obligé que ce soit le cas, en fait. Effectivement, ça veut pas dire grand-chose, réécrire la constitution. Non, quoi. En l'occurrence, en Tunisie, ça a permis un petit peu plus de pluralisme dans un petit peu l'appareil d'État, mais le pluralisme, ça a notamment voulu dire l'arrivée d'ultra-conservateurs islamistes, notamment, quoi. Voilà, et puis c'est ça, en fait, à partir du moment où ça... Enfin, peut-être ça va modifier un tout petit peu la composition de l'élite, mais c'est tout, en fait, mais tout pendant que ça reste une élite qui... Bah, qui a du pouvoir, et puis les autres qu'on n'ont pas, en fait. Ça marche pas trop bien, quoi. Bref, enfin, voilà pour le Chili, du coup, voilà. Force et courage aux Chiliens, Chiliennes qui se battent, là, et aux camarades d'Anar, surtout. Mais vraiment, c'est chouette, quoi, d'avoir réussi à faire plier un gouvernement en 28 jours. Moi, je dis bravo. Du coup, on remet un peu de musique et puis cette fois-ci, on va changer de sujet. Je crois. Sur les visières, au service de la bourgeoisie, et ça se diffère. Casser du poissonnier et du prolétaire, leur éteint l'unité de tous les damnés de la terre. Puis tiers, ça sent casque et baisse les visières, au service de la bourgeoisie, et ça se diffère. Casser du poissonnier et du prolétaire. Et une étincelle peut embraser la plaine. Donc ils renforcent nos chaînes. Leurs vessies républicaines sont des lanternes obscènes. Leur modèle économique n'est pas conçu pour notre bien et génère une guerre scénique criminalisant ceux qui n'ont rien. Solidarité nationale autour de valeurs guerrières. Compétition commerciale qui ignore l'instinct solidaire. Société future basée sur l'art de l'esquive. Mais où dominer et dominant sont en lutte constamment. L'État est l'appareil d'oppression par lequel nous subissons toute la violence, organisation de la bourgeoisie en action. Tous les keufs sont des bâtards, ils connaissent la tonne. Leur rôle est d'être un rempart, une milice que sonne. Les intérêts financiers pour produire plus faut spolier. La force de travail de ceux qui n'ont que la négocier. Ceux qui le savent, qu'on arrache ses droits, on ne les négocie pas, nos routes pas. Les victoires futures du peuple au combat. Les pierres, ça sent bien ce que les séquicières. Au service de la bourgeoisie et sa vie. Quand c'est du poisonné et du prolétaire, leur état d'unité de tous les derniers de la terre plus fière. 500 casques et baissent les misères au service de la bourgeoisie et sa vie fière. Quand c'est du poisonné et du prolétaire, leur état d'unité de tous les romantique pour des luttes qui ne me concernent pas. Pourtant mes bases théoriques unissent Wood et Intifada. Acculé comme une panthère, je n'envisage aucun revers. Nos luttes sont pas là pour plaire du moment qu'elles nous libèrent. Quelle que soit la détermination du ministère à nous faire taire, comme antifasciste action comme stratégie unitaire. Mes camarades sont mes sœurs et mes frères, ma brigade est mon repère. Rock so gun sert l'autodéfense populaire. Coup de série dans nos rangs motivés, prêts à affronter ceux qui se dressent sur nos routes émancipées. Du pacte prétentieux au CRS en laisse. On ne baissera plus les yeux quand l'État nous agresse. Technique de la tenaille de groupe mobile à celle. Pendant que le front bataille comme à la goutte d'or contre Israël. Que sur les hordes bleues s'abattent la foudre des cieux. La quintessence n'est que nos pierres et nos coups sur eux. Les pierres, ça sent presque des séquicières. Au service de la bourgeoisie et sa vie fière. C'est du poisonné et du prolétaire. Leur état d'unité de tous les derniers de la mer plus fière. 500 casques et baissent les misères au service de la bourgeoisie et sa vie fière. C'est du poisonné et du prolétaire. Leur état d'unité de